C'est quoi, Madame Durier-Claudine, 82. Je me bagarre encore un peu, hein. Ah ouais, j'ai dit jusqu'à 90 ans, c'est bon. Ma mère, elle dit, bah, tu faisais plus de commerce à 90 ans chez nous. Ah ben non, mais ça augmente. Puisqu'on a des clients. Alors, elle n'a plus rien dit. Ben, alimentation générale, fruits, légumes, vêtements d'enfants, vêtements de hommes, femmes, enfants. Oui, oui. Et puis, les draps, les chemises, tout ça. À Mazagarme, dans la rue Lamartine, où c'est marqué alimentation générale. Vous pouvez aller faire un tour. Mais dites pas que vous venez de moi. Une alimentation générale, oui, sauf que ça a changé. Si c'est des vêtements, c'est des vêtements intérieurs. Voilà. Sauf qu'il peut peut-être y avoir quelque chose qui a dévié, hein, pour la vente. Parce qu'une fois qu'on est en vente, on vend tout. Moi, on m'a tout fait faire. Alors, mes parents... J'ai commencé à 10 ans. Alors mon père il disait, bon, t'arrêtes parce qu'il faut que j'aie ma machine. Tout à l'heure, je ne vais plus l'avoir. Et puis c'est ce qui est arrivé. Quand j'ai eu 12, 15 ans, c'était fini. Jusqu'à 18 ans. Mais j'ai fait encore un moment après, quelques mois, 2 mois. Oui. Ah, plus rien, je restais chez moi. J'en avais besoin, hein. Bah, dites, j'étais fatiguée, hein. Il n'y avait pas que ça à la maison. Hein. Oui, j'ai fait un moment les chaussures dans l'alimentation et puis les chemins. À Mazagarme, oui, mais pas pour moi. Hein. Pour ceux qui ont des commandes à faire de robes, tout ça, de vêtements. Et maintenant, il faudrait augmenter des trucs, des machins, des couvertures, des draps, des serviettes, mais des pantalons, des t-shirts, des pulls, des blousons. Ma tête est grande. Bah, j'ai été élevée par mes parents. Hein. Allez, hop, on y va. Et quand mes enfants, ils ont vu que mon père, il partait avec sa voiture... 8 jours comme ça passés, ils n'avaient pas vu. Eh ben, ils disent, eh ben moi je vais avec papa, hein. Bon, ben tu veux qu'on mette une maison derrière. Ben oui, pour faire comme les acteurs de cinéma, quoi. Mais non, ça n'a pas marché. Cinéma, ça plaît pas à tout le monde, hein. Non. Eh ben oui, j'ai eu un mari qui m'a aidée aussi. Pas longtemps, mais parce qu'après, il y avait son métier. Les parents, ils étaient à Saint-Angoël. Mon mari, il faisait de la... Attendez voir, je m'en souviens plus bien. Hein. Des plaques blanches pour faire des travaux. Il dit, t'engages pas rien d'autre, je peux quelquefois avoir besoin de toi. Donc, il l'a arrêté. Voilà. Bon. Non, non, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Et il crie toujours. Je l'attends d'ici.